بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 114 dans l'explication du livre de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, Kitab al-Tawhid, avec le charh de son petit-fils le Cheikh Abd al-Rahman ibn Hassan rahimahullah, Qurrat Uyun al-Muwahhidin, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Donc on est maintenant arrivé au cours 114 et le charh, juste pour rappeler le titre, peut-être certaines personnes n'ont pas été au courant du titre, At-ta'liq al-mukhtasar al-mubin ala qurrat uyun al-muwahhidin. Donc ça c'est le titre. Et c'est les Maktabat al-Assadiyya de Mecca. Ok, donc on est arrivé maintenant dans le chapitre 12, on a commencé la semaine passée. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. C'est-à-dire le chapitre au sujet du fait que parmi les éléments ou les choses qui rentrent dans le shirk, il y a le fait de chercher refuge ou protection en autre que Allah. Ça marche pas. Ben regarde ici, s'il y en a un autre, je sais pas. Sinon là, il y a des ils vendent des paquets de stylos chez Jean Coutu là, pas chez Dollarama. Dollarama, c'est si tu achètes là-bas, la moitié des stylos ils fonctionnent pas. Donc ça sert à rien d'acheter Dollarama, c'est moins cher mais ça vaut rien. Tandis que tu vas chez Jean Coutu, tu achètes un paquet de 10 BIC comme ça pour 2 $, 3 $, et puis tu les mets ici. Comme ça, si quelqu'un en veut, après, il peut toujours en avoir. Moi, c'est ce que je fais habituellement quand j'ai besoin des stylos. Parce que le talib ilm, il a toujours besoin d'un stylo avec lui. Hein? C'est comme un plombier. Il a besoin de ses outils. Le talib ilm a besoin des outils aussi. Et son outil, c'est le stylo. Il a toujours besoin pour écrire quelque chose. Donc, il faut toujours en avoir. Donc, c'est mieux d'acheter ça en paquet que de les acheter un par un. Parce que sinon, ça... Des fois, c'est plus cher et tout. Donc, tu achètes un paquet de 10, là, comme ça, tu mets ça dans ton sac. Et puis, chaque fois, moi, j'en ai toujours un dans ma poche. Et quand je le perds, j'en mets un autre. Et puis, ça fait partie des choses que j'ai toujours avec moi. Bon. Maintenant, pour revenir là, à propos du chapitre, donc, on est dans le chapitre 12, comme on a dit, à propos de l'istiaza. Et celui qui cherche refuge en autre qu'Allah, il a commis du shirk. Et dans le chapitre en question, on a mentionné au dernier cours qu'il y avait un verset de Coran et un hadith. Donc, on était toujours en train d'expliquer le verset. Et on est arrivé justement dans la parole ici de Cheikh Abd al-Rahman ibn Hassan. Il dit « Wa qawluhu qawlullahi ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jinn fazaduhum rahaqa. Qala Abu Ja'far ابن جرير يعني الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول أعوذ بعزيز هذا الوادي فزادهم ذلك إثما وقال بعضهم فزاد الإنسان الجن باستعاذتهم بعزيزهم جرأة عليهم وازدادوهم بذلك إثما وقال مجاهد فازداد الكفار طغيانا وقال ابن زيد وزادهم الجن خوفا وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله وقال مولى علي قاري الحنفي رحمه الله لا تجوز الاستعاذة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا الآية فاستمتع الإنسي بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له. انتهى ملخصا. وقال المصنف رحمه الله: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك. Donc on va s'arrêter ici, on va expliquer ça la suite après. Donc ça c'est le sharh du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Il dit dans son sharh, en expliquant le verset 6 dans sourate al-Jinn, lorsqu'il mentionne le verset 6 dans sourate al-Jinn, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: et il y avait des hommes parmi les humains qui cherchaient le refuge en des mâles parmi les djinns, et cela les augmenta en détresse. Il dit le cheikh que l'imam al-Tabari, sa kunya c'est Abu Ja'far, et on l'appelle Ibn Jarir, Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, dans son tafsir, qui est le grand-père des tafsirs, si on veut, il dit, selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, l'explication de ce verset, c'est qu'il y a des hommes, parmi les êtres humains, lorsqu'ils descendaient dans une vallée, avant l'islam, ils disaient: je cherche refuge en le puissant, hein, ou le chef ou le puissant de cette vallée, en voulant dire parmi les djinns. Et il dit, et cela l'augmentait en péché. Et certains ont dit que l'être humain, les êtres humains augmentaient les djinns en transgression ou en affront, en cherchant refuge en eux, ou en le plus puissant d'entre eux. D'accord? Parce que les êtres humains, lorsqu'ils demandent l'aide des djinns, eh bien ça fait en sorte que les djinns, ils prennent le dessus sur les hommes à cause de ça. Hein? Ils deviennent, ils s'élèvent au-dessus des hommes à cause de ça, et les êtres humains, eux, augmentent en péché en faisant ça. Et Mujahid, l'élève d'Abdullah ibn Mas'ud, je crois, c'est l'élève d'Abdullah ibn Mas'ud ou Abdullah ibn Abbas, il dit que ça augmente les koufars en transgression. Et Ibn Zayd, il dit que ça augmente les djinns. Fazadahumul djinn khawfan. Donc les djinns les ont augmentés en crainte. Et donc tout ça, c'est des explications qui ont été mentionnées. Après, il dit, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il mentionne que les ulama sont tous d'accord sur le fait que chercher refuge en le djinn, ou en autre que Allah de façon générale, c'est interdit. Et bien entendu, chercher refuge en autre que Allah, on va mentionner les détails là-dessus. Parce qu'il y a des détails à mentionner qui clarifient ce qui est shirk et ce qui n'est pas shirk. Et il dit ensuite, il cite un autre savant qui s'appelle Mulla Ali Qari, qui est un Hanafi. Hein, Al-Hanafi, il dit, rahimahullah, que de chercher le refuge en les djinns, c'est interdit, parce que Allah Azza wa Jal a blâmé les mécréants d'avoir fait cela, dans le verset 6, dans Sourate Al-Jinn. Et il mentionne également le blâme que Allah Azza wa Jal a fait aux hommes et aux djinns dans le verset 128, dans Sourate Al-An'am, qu'on a mentionné au cours dernier. Le verset 128 dans Sourate Al-An'am. Dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal, il dit, lorsqu'il rassemble les hommes et les djinns au jour de la résurrection, il dit, et le jour où il les rassemblera tous, et il dira: ô communauté de djinns, vous avez trop abusé des êtres humains. Et leurs alliés parmi les êtres humains diront: ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres, et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Et Allah Azza wa Jal leur dira: l'enfer est votre demeure pour y demeurer éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Vraiment, ton Seigneur est sage et omniscient. Et le verset 129: et ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres, sur d'autres injustes, à cause de ce qu'ils ont acquis. Donc ça c'est les versets à ce sujet. Et le cheikh, il explique que quand on mentionne le fait que les hommes et les djinns ont profité les uns des autres, il explique ici, il dit, c'est-à-dire que l'être humain a profité du djinn. De quelle façon? De la façon que, et quand ils avaient un besoin, ou quand ils voulaient une information à propos de quelque chose qui est caché ou des choses comme ça, ils demandaient le service aux djinns. Et en retour, les djinns profitaient des êtres humains parce que les êtres humains les vénéraient et cherchaient refuge en eux et devenaient soumis à eux. Hein? Allah al-Musta'an. Donc ils tombaient dans le shirk et dans l'adoration des djinns de cette façon. Et ça, c'est la fin donc de cette citation de Moula Ali Qari en résumé. Ensuite, il dit que l'auteur, rahimahullah, il dit que yani, le fait qu'on obtienne un bienfait matériel lorsqu'on fait quelque chose dans la dunya ne prouve pas que la chose qu'on fait est permise ou qu'elle rentre dans, elle ne rentre pas dans le shirk. D'accord? Pour donner un exemple, supposons que Allah m'stahan, il y a un frère qui m'appelle, ça fait deux fois qu'il m'appelle, et à chaque fois je suis occupé, donc je ne peux pas lui répondre, Allah m'stahan. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. D'accord, donc... Où est-ce que j'en étais? Oui, donc c'est ça. Le fait qu'on fasse quelque chose, le fait qu'on obtienne un bienfait dans la dunya, pas en faisant quelque chose qui est shirk, ou en faisant quelque chose qui est haram, ça ne prouve pas que cette chose-là n'est pas shirk ou n'est pas haram. D'accord? Donc si par exemple quelqu'un, supposons, il a un porte-bonheur, hein, un objet, il croit que cet objet-là lui donne de la chance. D'accord? Et il va aller, par exemple, au casino avec cet objet. Et il va dire, je vais jouer à un jeu de hasard et je vais amener cet objet porte-bonheur avec moi et avec ça, je vais gagner. Donc, quand il arrive au casino, il joue à un jeu de hasard et il gagne un gros montant d'argent. Hein? Bon, la question c'est, on est d'accord que les jeux de hasard, c'est déjà haram en partant. Ça fait partie des grands péchés. Et on est d'accord aussi que de penser qu'un objet est capable de nous donner de la chance ou de nous donner le succès en dehors d'Allah, eh bien ça en soi c'est déjà du shirk. Hein, du shirk majeur. Hein? Alors, si la personne, elle dit, cet objet-là me donne de la chance, indépendamment d'Allah, ça c'est du shirk majeur. Si elle dit, cet objet-là me donne de la chance, pas parce qu'elle le fait d'elle-même, mais c'est une cause pour obtenir la chance ou la bonne chance. Et à ce moment-là, c'est du shirk mineur. Hein? N'empêche que c'est du shirk quand même. Donc, ça, pourquoi on dit ça? C'est pour faire comprendre que le fait que quelque chose tu obtiennes dans la dunya, quelque chose qui est bien, ça ne veut pas dire que là, parce que tu l'as fait et que tu as obtenu ce que tu voulais, que ça veut dire que ça devient halal ou que ça ne, c'est plus considéré shirk. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, ils tombent dans shirk parce qu'ils veulent quelque chose de la dunya et quand ils l'obtiennent, ils s'imaginent que c'est la réponse à leur problème. Ils s'imaginent que parce qu'ils ont été capables d'obtenir ce qu'ils voulaient par cette chose-là ou par ce moyen-là, que ça veut dire que ça leur rend halal et que ça veut dire que c'est permis. Hein? C'est comme ça que le shirk est apparu dans l'humanité. Hein? Imaginez par exemple quelqu'un qui croit en une idole. Et il va se prosterner devant l'idole, puis il demande à l'idole quelque chose. Puis parce qu'il obtient ce qu'il veut, hein, c'est-à-dire que la demande qu'il a faite à l'idole coïncide avec le fait que Allah lui a donné cette chose, il associe le bienfait qu'il a obtenu à l'idole, au lieu de comprendre que ça vient pas de l'idole, mais ça vient d'Allah Azza wa Jal. Et des fois, Allah Azza wa Jal, il fait que ces choses-là ça, se produisent de cette façon, hein, comme punition pour ces gens-là, de s'être détournés d'Allah. Alors, il les exauce dans ce qu'ils ont demandé à ces idoles, ou il fait que ce qu'ils ont demandé coïncide avec le qadar, de façon à ce qu'ils s'enfoncent encore plus dans leur égarement et dans leur shirk, à cause de leur détournement de la vérité. Après, à cause du fait qu'ils se sont détournés de la vérité. Donc, c'est comme une conséquence de leur aveuglement, en fait. D'accord ? Il dit, wa qawluhu an khawla bint Hukaym ou bint Hakim radiyallahu anha qalat sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man nazala manzilan faqal a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq lam yadurhu shay'un hatta yarhala min manzilihi dhalik rawahu Muslim. Ici le cheikh explique qu'il a été rapporté selon Khawla bint Hakim radiyallahu anha, elle a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, quiconque s'installe dans un endroit, hein, lorsqu'il est en voyage par exemple, il descend dans une vallée ou quelque chose comme ça, il dit, a'udhu bi kalimatillahi tammat, je cherche refuge en les paroles complètes et parfaites d'Allah, contre le mal de ce qu'il a créé. Aucun mal ne va lui arriver tant qu'il quitte, jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Donc ça veut dire tu dois pas chercher refuge en un djinn ou demander la protection des djinns ou d'une créature quelconque. Plutôt tu dois demander protection d'Allah seul. C'est Allah seul qui va te sauver et qui va te protéger. Donc ça c'est l'attitude du croyant qui croit au tawhid et qui s'en remet à son créateur. Donc, maintenant, on va lire les commentaires de Cheikh Al-Fawzan à propos de ces points-là. Premièrement, Cheikh Al-Fawzan, il dit à propos du verset, comme on l'a expliqué déjà, il dit ici, قُلْ il dit, هَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْإِسْتِعَاذَ لَا تَجُوزُ بِغَيْرِ اللَّهِ لِأَنَّ الْجِنْ لَمَّا أَسْلَمُوا أَنْكَرُوا مَا كَانَ يَفْعَلُهُ قَوْمُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَةِ وَمَا كَانَ يَفْعَلُهُ الْإِنْسِ مَعَهُمْ كما في سورة الجن لما ذكر عز وجل أن الجن استمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن فأعجبهم هذا القرآن وعلموا أنه من عند الله فأسلموا وذهبوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك ودعوهم إلى الله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وهذا في مرجعه من الطائف لما ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله وردوا عليه ردا قبيحا رجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة فبينما هو يصلي الفجر في مكان يقال له وادي نخلة يسمى الآن بنخلة اليمانية على جانب الطريق سمعه الجن فأعجبهم القرآن فقالوا هذه المقالة في سورة الجن قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وهذا من باب الاستنكار على هؤلاء الإنس الذين يستعيذون بالجن، أنكروا عليهم هذا وأنكروا على الجن أنهم يعني يرضون بهذه الاستعاذة، فدل على أن الاستعاذة لا تجوز إلا بالله عز وجل، وأنها عبادة لله عز وجل، وأنه كان رجال من الإنس يعني من بني آدم يعوذون برجال من الجن يعني من ذرية الشيطان، فزادوهم رهقا، الجن زادوا الإنس رهقا يعني خوفا. وهكذا كل من خاف من غير الله ولجأ إلى غير الله فإن ذلك لا يزيده إلا خوفا ورعبا، بخلاف من لجأ إلى الله واستعاذ بالله فإن ذلك يزيده إيمانا وقوة وطمأنينا واطمئنانا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذي يستعيذ بالله يزيده ذلك ثباتا واطمئنانا ويقينا، وأما الذي يستعيذ بغير الله فإن ذلك يزيده خوفا ورعبا وقلقا وعقوبة له، فزادوهم رهقا. وقيل إن الإنس زادوا الجن رهقا أي عجبا بأنفسهم وتكبرا، فالآية محتملة أن الذين زادوا رهقا هم الجن يعني زادوا الإنس، أو بالعكس أن الإنس زادوا الجن، والظاهر والله أعلم الآية تشتمل المعنيين. Donc on va traduire ce passage très intéressant et bénéfique. Ici le Cheikh il dit que la preuve donc que dans le verset, dans Surat al-Jin, le verset 6, il y a la preuve que il n'est pas permis de chercher le refuge en autre que Allah, et que les djinns, lorsqu'ils se sont convertis à l'islam, ils ont condamné ce que faisait leur peuple dans la jahiliya, et ce que faisaient les êtres humains avec eux dans la jahiliya, c'est-à-dire de chercher les refuges des djinns, et que les djinns rendait des services aux êtres humains. Il dit parce que le djinn, il dit parce que dans Surat al-Jinn, Allah Azza wa Jal, il mentionne que yani un peuple parmi les djinns dans la jahiliya, ou bien plutôt au début de l'islam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran, et ils ont trouvé cette récitation-là intéressante et belle, alors ils ont écouté et ils sont partis ensuite informer leur peuple que yani il y a une révélation qui a été révélée, et ils ont su que ça venait d'Allah, donc ils se sont convertis à l'islam, ils ont accepté l'islam, ils sont allés voir leur peuple pour les appeler à l'islam et les inviter à Allah. Et on voit cet événement ou bien cet échange qu'il y a eu ou cette parole qu'il y a eu de la part des djinns dans Sourate Al-Ahqaf. Dans Sourate Al-Ahqaf, les versets c'est 29 à 31. Dans les versets 29 à 31, Allah Azza wa Jal il dit, ce qui signifie, rappelle-toi lorsque nous dirigeons vers toi un groupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Et quand ils assistaient à sa lecture, ils disent « Écoutez attentivement ». Puis, quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils dirent « Ô notre peuple !» En parlant aux djinns. Les djinns, ils sont partis voir leur peuple. Ils ont dit « Ô notre peuple !» Nous venons d'entendre un livre qui a été descendu ou révélé après Moïse, après Moussa, confirmant ce qui l'a précédé, et il guide vers la vérité et vers un droit chemin. Ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah, celui qui invite à Allah, et croyez en lui, c'est-à-dire le prophète, et Allah vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre châtiment douloureux. Donc ça, c'est les versets en question. Puis après, Il dit le cheikh que ça s'était arrivé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en route et qu'il revenait de la ville de Taif. Donc il était parti à Taif pour inviter les habitants de Taif à l'islam. Et quand ils n'ont pas accepté, à son retour, il est passé sur un chemin. Il est passé par un chemin. Donc quand il allait à Taif, il est allé pour les inviter à Allah et pour les appeler à Allah. Mais leur réponse a été très mauvaise. Ils l'ont chassé avec des pierres, et des choses comme ça. Donc il est retourné à Mecca. Et pendant qu'il était en chemin vers Mecca, c'est là qu'il a fait la prière de Fajr dans un endroit qui s'appelle Wadi Nakhla, donc la vallée des palmiers ou des palmeraies ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on l'appelle Wadi Nakhla al-Yamaniya, Nakhla al-Yamaniya. Et il dit que c'est sur le côté de la route. Ça existe encore aujourd'hui, cet endroit-là. Et il dit que au moment où il a prié la prière de Fajr, à ce moment-là, les djinns ont entendu la récitation du Coran et ils ont dit cette parole que Allah Azza wa Jalla a mentionné dans Sourate Al-Jinn dans les premiers versets, c'est-à-dire de 1 à 6 dans Sourate Al-Jinn. Donc on va lire ces versets-là, la signification. Allah Azza wa Jalla, il dit ce qui signifie, dit au Muhammad, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu une lecture merveilleuse, c'est-à-dire le Coran, qui guide vers la droiture, et nous y avons cru, et nous ne ferons jamais de shirk en associant quiconque à Allah, à notre Seigneur. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne ni enfant. Mais notre insensé, Iblis, disait des extravagances contre Allah. Et nous pensions que ni les êtres humains ni les djinns ne sauraient jamais proférer de mensonges contre Allah. Or, il y avait parmi les humains des mâles, des hommes qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns. Mais cela ne fit qu'accroître leur détresse ou leur crainte. Et donc ici, le cheikh, il explique que ça veut dire que c'est dans le but donc de condamner ce que les êtres humains faisaient en cherchant refuge avec les djinns. C'est comme si il condamne ce fait-là, cette action-là. Et il critique, il condamne que les êtres humains cherchent refuge en les djinns, et il condamne également que les djinns cherchait à satisfaire les êtres humains à cause de cette demande de protection-là. Ça, c'est la preuve que de chercher la protection d'autre que Allah, ce n'est pas permis. Parce que c'est une adoration. Et par conséquent, si tu l'offres à autre que Allah, ça devient du shirk. Et il dit, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ. Donc, il y avait des hommes, parmi les fils d'Adam, parmi les êtres humains, qui cherchaient refuge en les hommes parmi les djinns, ou bien les mâles, si on veut, parmi les djinns, c'est-à-dire les fils de Shaitan, ou la progéniture du Shaitan, la progéniture de Iblis. Et ça ne faisait que les accroître en crainte, c'est-à-dire ça augmentait les êtres humains en crainte et en peur des djinns. Ils avaient plus peur des djinns à cause de ça. Et il dit, et c'est ainsi que toute personne qui craint autre que Allah et qui cherche refuge en autre que Allah, eh bien, le résultat, ça va être qu'il va avoir encore plus peur des créatures. C'est comme si quelqu'un, par exemple, quand il a peur des créatures, il a peur des êtres humains, il a peur des djinns, il a peur de ci ou de ça. Cette crainte-là, c'est quelque chose qui n'est pas à sa place. Parce qu'on n'a pas le droit de craindre personne sauf Allah. D'accord? Donc, si tu as peur des djinns, ça, c'est une crainte qui est, qui n'est pas appropriée. Ça rentre dans le shirk. Parce que La crainte, c'est une adoration. Et tu n'as pas le droit de craindre autre que Allah. Donc, si tu crains les djinns, ça rentre dans le shirk. D'accord? Et donc, tu ne dois pas avoir peur des djinns. Et beaucoup de gens, ils ont peur des djinns. Hein? Et ils pensent que pour se protéger des djinns, il faut leur faire des sacrifices ou il faut leur faire des adorations ou des choses comme ça pour calmer les djinns ou des choses comme ça. Et ça, c'est du shirk. C'est pas permis. Et on n'a pas le droit non plus d'avoir peur des djinns. Parce que c'est Allah Azza wa Jal, le maître des djinns. Hein? Et donc, on n'a pas le droit d'avoir peur des créatures. Mais il faut avoir peur du créateur. Et donc, le cheikh, il explique ici, il dit, si quelqu'un, il a peur d'autre que Allah, eh bien, Allah Azza wa Jal va le punir en le faisant avoir peur de tout. Hein? Puisqu'il a peur d'autre que Allah, Allah le punit en faisant qu'il ait peur de tout en dehors d'Allah. Allah al-musta'an. Tandis que celui qui n'a peur que d'Allah, il n'a peur de rien, ni de personne. Il sait qu'il n'y a personne qui peut lui faire du tort excepté Allah, Azza wa Jal. Il n'y a personne qui peut le protéger excepté Allah, Azza wa Jal. Parce qu'il n'y a rien qui se produit dans l'univers et dans la création excepté par la permission d'Allah. D'accord? Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a dit, même si tous les êtres humains se réunissaient pour te faire du mal, ils ne pourraient rien te faire excepté ce qui a été écrit pour toi. Oui, la peur qui est naturelle, comme on dit, la peur et la crainte. Bon, il y a des nuances entre les deux, mais l'important, c'est la crainte et la peur, les deux. C'est vrai, ça se divise en trois. Les ulama, ils l'ont divisé comme ça. Il y a la crainte, comme tu dis, qui est la crainte, al-khawf al-sirri, ou khawf al-ibada. Ça, c'est shirk, shirk majeur. Et après, il y a la crainte qui est interdite. C'est lorsque, à cause de ta peur des créatures, tu t'abstiens de faire ce que Allah t'ordonne. Hein? Ça rentre dans ce qui est haram. Et la crainte qui est naturelle, c'est comme par exemple quelqu'un qui a peur d'un chien, ou quelqu'un qui a peur d'une abeille, ou quelqu'un qui a peur de, par exemple, un voleur qui rentre chez toi, t'as peur, ou des choses comme ça. Ça, c'est pas une peur qui est shirk. Ça, c'est naturel. Ça, c'est normal. Il n'y a pas de péché là-dedans. Mais la peur des djinns, ça rentre dans le shirk. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui est raib. Et tu n'as pas le droit d'avoir peur de qu'est-ce qui est raib, excepté d'Allah. Tu comprends? Tu ne peux pas avoir peur des djinns parce que les djinns, tu ne les vois pas. Et c'est seulement Allah, Azza wa Jal, que tu dois avoir peur que tu ne vois pas. C'est comme les mouchriquins, ils faisaient peur aux prophètes et aux croyants. Ils essaient de leur faire peur avec leurs idoles. En disant, si tu parles de nos idoles en mal, ils vont te frapper par une malédiction ou par un mal ou par quelque chose. Hein, oui, quelque chose comme ça. Ou bien un malheur. Hein? Et même aujourd'hui, les mouchriquins, les gens de superstition, ils agissent comme ça aussi. Même avec leurs awliya et tout, ils disent, si tu parles contre notre cheikh, hein? Il va te frapper d'un malheur ou quelque chose comme ça. Donc Allah Azza wa Jal, il disait souvent, même dans l'histoire, par exemple, dans l'histoire avec les prophètes, yattayyaruna bi Musa wa man ma'a. Donc ça veut dire que c'est comme s'il prenait en Musa et son frère comme un mauvais présage, hein? Et ils craignaient que ils allaient être frappés par leurs idoles, hein? À cause du fait que il interdit le shirk et il appelle au tawhid. Naam. Mais la peur qui est une adoration et la peur qui est shirk, les deux c'est la même chose. Parce que si tu as la peur qui est une adoration, c'est si tu l'as fait pour Allah. Si tu l'as fait pour autre qu'Allah, ça devient du shirk. Donc ça, c'est la même chose en fait. Et puis après, c'est les trois. Donc des fois, tu vas trouver par exemple que certains ulama, ils vont catégoriser ou numéroter les choses avec différents numéros, mais ça revient à la même chose en fait. Tu vois, Donc c'est pas, y a pas de divergence en fait dans ça. C'est juste que c'est comme par exemple certains ulama quand ils parlent par exemple des catégories, des conditions pour la repentance. Par exemple, tu vas voir que certains ulama ils vont dire la condition c'est 3 et d'autres qui vont dire la condition c'est 4 et d'autres qui vont dire la condition c'est 5. Mais quand tu lis l'explication, tu vois que à la fin ça revient à la même chose. Tu vois? Parce que par exemple, les ulama en général ils disent la repentance c'est le remords, être déterminé à plus refaire le péché et cesser de le faire. Et d'autres, ils rajoutent la sincérité, c'est-à-dire que tu te repens uniquement pour Allah. Et d'autres, ils rajoutent le fait que si ça concerne un droit d'une créature, donc tu dois réparer le droit qui a été... Donc, en réalité, c'est la même chose. Il n'y a pas de divergence. C'est juste que certains ulama, ils rajoutent des conditions qui sont sous-entendues ou que certains, parfois, ils les mentionnent et d'autres, ils les mentionnent à d'autres occasions. D'autres, à d'autres occasions, ils ne les mentionnent pas. Mais il n'y a personne qui remet en question ces conditions-là. Donc, c'est pour ça, là. C'est dans ce sens-là. D'accord? OK. Donc, pour revenir à là où on était, le cheikh, il explique ensuite donc que celui qui cherche donc refuge en autre que Allah, eh bien, ça ne fait que l'augmenter en crainte. Contrairement à celui qui cherche refuge en Allah Azza wa Jal et qui demande protection à Allah Azza wa Jal, ça ne fait que l'augmenter en foi et en force et en certitude et en tranquillité. Et comme il mentionne dans le verset 28 dans Surat Ar-Ra'd, le tonnerre, Surat Ar-Ra'd, le verset 28. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset ce qui signifie ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'invocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Donc en le fait de mentionner le nom d'Allah et en mentionnant Allah Azza wa Jal, ça fait en sorte que ton cœur devient tranquille et apaisé. Donc le fait de d'avoir peur d'autre que Allah et de chercher refuge en autre que Allah, ça t'augmente en crainte. D'accord? Et il dit donc c'est ça, la personne qui cherche refuge en Allah, il augmente en fermeté, en certitude et en tranquillité, tandis que celui qui cherche refuge en autre que Allah, ça ne l'augmente qu'en crainte, en peur, en stress, hein? En anxiété, en angoisse, et ça c'est un châtiment pour lui. Et il dit fazaduhum rahaqa, donc ça les a augmentés, ça les a fait croître en crainte ou en détresse. Et certains ulama ont expliqué que le pronom hum, fazaduhum rahaqan, que ça peut s'appliquer aux hommes et ça peut s'appliquer aux djinns. Et selon à qui le pronom revient, la signification va être différente. Donc il dit par exemple, si on parle des êtres humains et qu'on dit que ça, c'est les êtres humains qui augmentaient, yani il dit « innal ins zadul djinn rahaqan », c'est-à-dire quand on dit que c'est les êtres humains qui faisaient croître ou qui faisaient augmenter les djinns en détresse ou en crainte, à ce moment-là c'est pas en crainte et en détresse mais plutôt dans le sens que en les adorant et en leur demandant l'aide et en cherchant refuge en les djinns, eh bien ça faisait augmenter les djinns en orgueil, hein, et en fierté, en arrogance. Ça peut être donc cette signification-là. Quand il dit fazaduhum rahaqa, c'est-à-dire les hommes ont fait croître les djinns en orgueil, en arrogance, en cherchant refuge en eux. Mais ça peut aussi avoir l'autre signification qui veut dire que lorsque les hommes ont cherché les djinns en refuge ou se sont réfugiés en les djinns, eh bien ça a augmenté les êtres humains, ça a fait croître les êtres humains en peur et en crainte vis-à-vis des djinns. Et donc, ça peut vouloir dire ça ou l'autre. Et le cheikh, il dit, mais la signification la plus apparente, Wallahu a'lam, c'est que le verset comprend les deux sens. Ça comprend les deux sens en même temps. C'est-à-dire que ça augmentait les hommes en crainte et les djinns en orgueil, en fierté, en arrogance. Ensuite, il explique par rapport à cette signification-là, justement, il dit « هذه الأقوال لا تتناقض كلها تشتمل الآية الكريمة والمفسرون لا يختلفون كل واحد منهم يأخذ بمعنى مما تحتمله الآية والآية تشمل الجميع ولذلك يسمون اختلافهم اختلاف تنوع وليس هو اختلاف تضاد. Donc ici le cheikh il explique que il n'y a pas de contradiction dans ces deux explications-là. Les deux significations, en réalité, sont comprises dans le verset. Et les savants de tafsir, ils ne divergent pas sur la signification que ce verset-là peut avoir, puisque le verset est la signification est comprise. Les deux significations sont comprises dans le verset. Et donc, ils appellent ça ce genre de différence-là, ils appellent ça une différence de variété, ou de variation, et non pas une différence de contradiction. D'accord? Donc, c'est comme si c'est une variation, mais qui peut être réconciliée. C'est-à-dire, on peut les utiliser et les comprendre les deux en même temps. Tandis que, dans d'autres circonstances, ou dans d'autres divergences, ou dans d'autres différences, il peut y avoir parfois des sens contraires. Et c'est là qu'on ne peut pas accepter. Hein? C'est comme, par exemple, les ulama, ils appellent ça donc « ikhtilaf tanawwu » et « ikhtilaf tadad ».« Ikhtilaf tanawwu » c'est quand on donne des significations à quelque chose qui sont différentes, mais qui ont un sens commun, ou une signification qui concorde, c'est-à-dire ça concorde. Un peut ne nie pas l'autre. Hein? Une signification ne vient pas nier l'autre. Tandis que ikhtilaf at-tadad, c'est quand une signification vient contredire le sens de l'autre. Et donc, à ce moment-là, ça devient contradictoire. Alors ça peut pas être accepté. Et c'est ça qui est important à comprendre ici. Parce que des fois, par exemple, tu entends des gens qui appellent à dire non, il faut accepter tout, il faut accepter toutes les divergences, il faut accepter toutes les croyances. Ça, c'est des choses qui montrent, disons, la diversité de l'islam et l'ouverture de l'islam et ci et ça. Et ça, c'est totalement faux parce que il ne peut pas y avoir de contradiction dans la révélation. Et même Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Si ça venait d'autre que Allah, ils auraient trouvé beaucoup de divergences, en voulant dire beaucoup de contradictions. Hein? Donc il ne peut pas. Et c'est pour ça que quand tu parles des religions, c'est la même chose. Il y a des gens qui disent, non, toutes les religions sont bonnes. Christianisme, judaïsme, islam, hindouisme, ce sont des différentes voies pour arriver à Dieu. Tous les chemins mènent à Dieu de toute façon. C'est ça qui est important. C'est pas important comment tu l'adores. L'important, c'est le fait de l'adorer et de peu importe quelle façon, tu vas quand même arriver bonne destination. Et ça, c'est totalement faux. Hein? Et pourquoi? Parce qu'en même temps, si tu acceptes une de ces religions-là, ça implique que tu rejettes les autres puisqu'elles se contredisent toutes. Et elles sont toutes une en contradiction avec l'autre. Hein? Quand tu dis par exemple que tu es chrétien, ça implique que tu crois que Jésus est Dieu ou Fils de Dieu. Et que tu crois par exemple que tu as le droit de prier à Jésus ou de l'adorer en dehors d'Allah. Et des choses de ce genre. Et qu'il est mort sur la croix et des trucs de ce genre. Donc ça c'est qu'est-ce que les chrétiens croient. Et si tu es musulman, eh bien, à ce moment-là, tu ne peux pas croire en ça. Parce que tu crois que Allah est unique. Et Jésus, c'est un prophète. C'est un être humain envoyé par Allah. Mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas fils de Dieu. Et Dieu, il ne s'est pas incarné dans ses créatures. Et en même temps, Allah, il nous dit dans le Coran qu'il n'a pas été tué, qu'il n'a pas été crucifié. Hein? Donc, soit c'est un ou l'autre. Ça peut pas être les deux en même temps. C'est un des prophètes de Bani Israël. Ça se peut que ce soit un groupe d'entre les Juifs qui disent ça. Et Allah Azzawajal, parfois, si par exemple un groupe d'entre eux fait quelque chose, ou un d'entre eux fait quelque chose, et les autres, ils ne le condamnent pas, alors il attribue la parole à tous. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, c'est ça, comme s'ils sont d'accord. D'accord? Donc, même si tu parles avec un juif aujourd'hui, peut-être que le juif, là, tu lui demandes, est-ce que vous, vous dites que Uzair est le fils d'Allah? Peut-être qu'ils ne vont pas dire ça. Non, nous, on ne dit pas ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne le disent pas. De toute façon, dans leur livre, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a plein de prophètes qui sont appelés fils de Dieu. Hein? Souleyman est appelé fils de Dieu, David est appelé fils de Dieu, Jacob est appelé fils de Dieu. Hein? Donc, j'avais même écrit un petit texte là, à ce sujet-là. Bon, de toute façon, je l'ai pas maintenant, mais quand à un autre contexte là, une autre occasion, je te le ramènerai, inchallah. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait ensuite, maintenant, par rapport au... Oui, c'est ça, on a expliqué ça. Ok. Al-isti'adatu bi ghayrillahi la tajuzu bi dilalati al-kitab wa bi dilalati as-sunnah wa bi dilalati ijma'i ahli al-'ilm 'ala dhalik. Donc ça, c'est le point numéro 2 ici, que le cheikh il a mentionné que tous les ulama sont d'accord. Il y a un ijma', c'est-à-dire un consensus sur le fait que de chercher le refuge en autre que Allah, yani c'est interdit. C'est interdit. Et le cheikh il mentionne ici que l'interdiction de chercher le refuge en autre que Allah est interdite dans le Coran, dans la Sunna, et il y a le consensus des savants de l'islam qui est d'accord aussi là-dessus. Donc ça, c'est les preuves. Ensuite, il explique le cheikh la parole de l'auteur lorsqu'il mentionne que si par exemple on obtient un bienfait quelconque dans les affaires de la dunya en faisant un acte qui est shirk ou en faisant quelque chose qui est haram, eh bien le fait qu'on obtient de cette chose-là ou de cette façon-là un bien, ça ne veut pas dire que la chose devient halal. Hein? Et le cheikh, il va donner des explications. Cheikh Al-Fawzan, il dit بعضهم يقول والله والله فلان استعان بالجن وحصل له مطلوبه او فلان دعا عند القبر الفلاني وحصل له مراده شفي من مرضه او رزق ولدا ويتخذون هذا دليلا على الجواز وهذا غرور والعياذ بالله لأن حصول المطلوب لا يدل على جواز الشيء والحلال والحرام إنما يستدل عليهما بالكتاب والسنة أما إن حصل المطلوب فهذا يحصل لأحد أمرين إما أن هذا استدراج من الله عز وجل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أو يكون صادف قضاء وقدرا قدر الله أنه يحصل له مقصوده في هذه اللحظة أو في هذه الحالة فظن أن هذا بسبب استعانته بالجن أو بسبب دعائه عند القبر أو بسبب نذره للميت وليس كذلك وهذا بقضاء الله وقدره فالحاصل أن حصول الحاجة لا يدل على الجواز. Ça, c'est très, très important pour comprendre beaucoup de choses, hein? Surtout à propos de la croyance et de la religion. Le cheikh, il explique ici, il dit, il y a certaines personnes qui disent, Wallahi, je jure par Allah que j'ai cherché refuge dans le djinn et j'ai obtenu ce que je voulais. Ou j'ai fait le dua près de la tombe d'un tel et j'ai obtenu ce que je voulais, j'ai été guéri de ma maladie, ou j'ai obtenu l'enfant que je voulais, ou des choses de ce genre. Et ils prennent de ça comme si c'était une preuve pour justifier l'action qu'ils ont faite, qui est shirk. Hein? Et comme je vous ai mentionné tout à l'heure l'exemple de celui qui va au casino avec son pote bonheur, en pensant que s'il gagne, ça c'est la preuve que le pote bonheur fonctionne, ça veut dire que c'est halal. Non. Si tu as gagné, hein, déjà jouer au jeu de hasard c'est haram, donc le fait de gagner ça ne rend pas le jeu halal. Et le fait que, par exemple, tu avais ce porte-bonheur-là, que tu penses que c'est à cause de ça, hein? Alors que, plutôt, c'est, comme le cheikh, il l'explique ici, il dit, ça, c'est une ruse, en fait, du shaitan, et tu as été trompé en croyant ça. Il dit, parce que le fait d'avoir obtenu ce que tu voulais, ne veut pas dire que la chose que tu as faite était halal en partant. Si tu veux savoir si quelque chose est halal ou haram, eh bien, tu dois te référer au Coran et à la Sunna. Et si le Coran et la Sunna t'indiquent que cette chose, elle est haram, alors dans ce cas-là, tu ne peux pas utiliser un élément extérieur pour essayer de le justifier ou de le rendre halal. Et il dit, et si jamais tu fais quelque chose qui est haram ou qui est shirk, et en le faisant, tu crois que tu as obtenu un bienfait quelconque ou quelque chose que tu voulais, eh bien, ça peut être pour deux choses. La première, c'est que Allah Azza wa Jal, il t'égare. Il t'égare, pourquoi? Parce que tu t'es détourné de lui. Et il t'enfonce encore plus dans cette fausse conception, dans cette fausse croyance que tu as acceptée. Comme il mentionne dans le verset 44 dans Sourate Al-Qalam, « Laisse-moi avec celui qui traite cette parole de mensonge, je vais les faire... hein, » s'enfoncer encore plus d'une manière qu'ils ne savent même pas. Il y en a de façon qu'ils ne vont même pas comprendre, disons. Ils ne savent pas comment Allah Azza wa Jal fait pour les égarer encore plus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés de lui. Et donc, il dit, ça c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que la chose qu'ils ont eue, c'était parce que ça a coïncidé avec le décret divin et la prédestination. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal avait écrit que à ce moment-là, ils allaient obtenir la chose qu'ils ont voulu. Et eux, ils ont cru qu'il y avait un lien, hein, entre yani, la chose qu'ils ont obtenue, hein, et la chose qu'ils ont demandée. Et le fait d'avoir demandé à autre qu'Allah et le fait d'avoir obtenu cette chose tout de suite après, eux, ils ont cru que ça, il y a un lien entre les deux, de cause et d'effet. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. C'est Allah Azza wa Jal qui a voulu qu'ils obtiennent cette chose-là à ce moment-là. Et des fois, comme le cheikh il le dit dans le premier explication, que c'est à cause, justement, que Allah Azza wa Jal veut les enfoncer encore plus dans leur égarement parce qu'ils se sont aveuglés. Hein, eux-mêmes. Donc, c'est comme une punition pour eux de les laisser s'enfoncer plus dans leurs mensonges. Et il dit donc, celui qui pense qu'à cause du fait de d'avoir cherché refuge en le djinn ou en ayant invoqué auprès d'une tombe ou après avoir en ayant fait un vœu pour quelqu'un qui est mort ou un saint qui est mort dans une tombe, il pense que c'est à cause de ça qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Eh bien, alors qu'en réalité, c'est juste parce qu'Allah, il l'avait prédestiné, c'est arrivé. Donc, le fait que ce soit arrivé, ça ne veut pas dire que c'est permis. C'est comme la femme, il y a une femme musulmane, elle était musulmane à la base, et son fils était malade. Alors, je pense que c'est un chrétien qui racontait même cette histoire-là. Elle dit, son fils était malade, et elle a demandé par le prophète Mohammed que son enfant soit guéri. Et il n'a pas été guéri. Après, il dit, elle a demandé par Jésus et il a été guéri, donc elle est devenue chrétienne. Hein? Ça prouve déjà que cette personne, elle est tellement ignorante. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de demander, même par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et même que si elle avait demandé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça aurait été du shirk, hein, quand même, de demander par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu ne demandes pas par une créature, tu demandes à Allah Azza wa Jal directement. Hein? Et donc le shaitan l'a rusé avec elle. Et elle a, parce qu'elle ignore le tawhid, au lieu de demander à Allah, elle demande à une de ses créatures, comme Jésus par exemple, et là elle obtient ce qu'elle voulait, donc elle pense que ça, ça veut dire que c'est la preuve que le fait d'avoir demandé à autre qu'Allah, ça, et qu'elle a obtenu ce qu'elle recherchait, elle s'imagine que ça veut dire que c'est correct. Alors qu'en réalité, yani, le shirk, c'est le shirk. Hein? Et le fait qu'elle ait obtenu ce qu'elle veut, ça ne rend pas le shirk halal. Et une fois, je donnais un exemple au frère. Hein? Je disais, yani, supposons que, par exemple, il y ait un objet qui existe. Hein? Et que cet objet-là, il a un pouvoir de guérir n'importe quelle maladie, depuis que tu le touches. Supposons qu'il y a un objet que Allah a créé, qu'il a mis sur terre, hein? Et que n'importe quelle personne touche à cet objet-là, s'il est malade, il guérit de n'importe quelle maladie. Mais que Allah Azzawajal dit, si vous touchez à cet objet, vous allez en enfer pour l'éternité. Hein? Est-ce que le fait que cet objet-là, vous le touchez, ça veut dire que vous allez être guéri, ça veut dire que ça rend le fait de l'utiliser, cet objet-là, halal? Non. Mais le shirk, c'est la même chose. Si on te dit, fais pas le shirk, puis tu t'en vas à une tombe, tu demandes à un mort de te guérir, hein? Puis après tu dis, oui, j'ai été guéri, je suis allé voir la tombe, j'ai demandé au shirk et j'étais malade et là j'ai été guéri. Est-ce que ça veut dire que de prier le shirk, ça devient halal? Non, c'est du shirk quand même. Hein? Et tu dois savoir que ce n'est pas le shaykh ou la tombe qui peut te guérir, c'est seulement Allah. Hein? Allahumma anta shafi, la shafi illa ant. Hein? Donc il n'y a pas de shafi, il n'y a pas de guérisseur, il n'y a personne qui peut guérir excepté Allah. Donc tu ne dois pas chercher le shifa, la guérison, de personne excepté d'Allah Azza wa Jal. Donc ça doit être une conviction dans ton cœur. Naam. Oui, Shifa, l'asbab. Oui, l'asbab, c'est pas la même chose. Si tu fais les causes pour te guérir, par exemple, tu vas voir un médecin pour aller te faire examiner, puis après, il voit le symptôme que tu as, il te donne un médicament. Hein, tu vas le prendre, tu dis, ça, c'est une cause. Et par cette cause-là, Allah Azza wa Jal va me guérir. Ça, c'est pas du shirk. Et ça, c'est pas interdit. Mais si, par exemple, tu vas voir une tombe, puis tu dis, il y a Fulan, guéris-moi, ou des choses comme ça, ça, c'est pas une cause qui est licite. C'est pas une cause qui est permise. En fait, c'est ça aussi là-dedans. Il faut comprendre la différence entre une cause qui est réellement une cause, puis une cause qu'on a fabriqué, qu'on imagine, mais qui n'est pas réel. Hein? Si je te dis, par exemple, un morceau de plastique, là, je te dis, ce morceau de plastique, là, il est béni, il est spécial, il y a une baraka dedans. Si tu es malade, tu mets ça dans un verre d'eau, hein? Et puis tu le bois, puis tu vas guérir. Hein? Et toi, tu dis, oui, mais ça, c'est un sabab. Je crois que c'est une cause pour guérir. Il faut que la cause, elle ait été vérifiée. Et c'est-à-dire qu'il faut être capable de prouver le lien de cause et effet dans la chose que tu utilises comme sabab. Tu comprends? C'est pour ça qu'on fait des études cliniques dans les laboratoires pour vérifier l'efficacité des médicaments. C'est ça. On donne même des placebos aux gens quand on fait des tests pour faire la différence, pour voir la différence. Est-ce qu'il y a une différence entre le fait de prendre le vrai médicament ou de prendre un médicament qui est faux, hein, que la personne, elle ne sait pas si elle a pris le vrai ou non. Et après, on voit les résultats, combien d'entre les personnes ont été mieux après avoir pris ou non. Tout ça fait partie des vérifications. Donc, c'est-à-dire que il faut déjà établir que le sabab, c'est réellement un sabab. Et il faut qu'il y ait des preuves pour le prouver. Hein? Scientifiques ou en laboratoire, des études qui ont été faites qui prouvent ça. Mais si c'est juste sabab, comme les gens, ils inventent des choses. Ils inventent n'importe quoi. Ils prennent de la terre, de la tombe, d'un quelqu'un, ils disent ça c'est un wali. Ils mettent la terre dans un pot. Après, quand tu es malade, ils mélangent ça avec de l'eau. Et puis, ils se lavent avec. Ils vont dire ça va te guérir. Ça, c'est un sabab, ils disent. Ça, ce n'est pas un sabab shar'i. Et ce n'est pas un sabab kawni. Ruqya, ça, c'est un sabab shar'i. Il y a un dalil qui prouve dans la charia que ça, c'est, ça peut guérir. Allah Azza wa Jal, il dit, il y a que le Coran, il est un shifa. Hein? Allah Azza wa Jal, il mentionne dans le Coran que le Coran, il y a un shifa hein, dedans. Quand tu le récites, tu sais que ça peut guérir. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé la ruqya pour guérir des gens quand ils étaient malades. Et ils ont été guéris. Hein? Et ça peut être contre les maladies physiques et contre les maladies psychologiques ou bien spirituelles. Donc, c'est pas seulement quelque chose qui... Là, dans ce cas-là, c'est un sabab et il est prouvé par un dalil shar'i. Et pour que ce soit un dalil, par exemple, par rapport à un médicament ou la médecine, il faut qu'il y ait un dalil kawni. C'est-à-dire une preuve qu'on établit dans la création. C'est-à-dire en faisant des tests pour vérifier l'efficacité d'un médicament. D'accord? Parce que sinon, si je te donne des petites pilules, n'importe quelle petite pilule, là, je te dis, ça, c'est un médicament, prends-le, alors que c'est du sucre, toi, tu vas le prendre, tu vas dire, ah, moi, je me sens bien. Et pourtant, il n'y a rien dedans. Ce n'est pas un vrai médicament. Il n'y a rien d'actif dedans. Il n'y a aucun élément actif dedans. Donc, c'est dans ta tête que ça se passe. Hein? Il faut vraiment que les choses soient réelles et non pas des... Il y en a des illusions, là, comme on dit. Non, ça aussi, ça peut avoir un effet réel. C'est-à-dire qu'il y a à la base, les médicaments qu'on prend maintenant à la pharmacie, beaucoup de ces médicaments-là sont tirés des produits naturels, des plantes, hein? Donc, aujourd'hui, ils les ont développés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, par exemple, la plante et ils ont découpé la plante et regardé, par exemple, c'est quoi les molécules qui composent cette plante-là. Et ils ont trouvé que dans cette plante, il y a telle molécule et que cette molécule-là, elle avait tel effet dans le corps lorsqu'on le prenait puis que ça traite telle maladie. Donc, au lieu d'utiliser toute la plante au complet, ils ont dit, on va juste utiliser la molécule, ils la produisent en grosse quantité, et puis ils font hein, ce médicament-là avec. Donc, quand tu le vois, tu dis, ah, ça, c'est une petite pilule, là. À la base, ça vient d'une plante. Hein? Ou bien ça vient d'une fleur, ou bien ça vient d'une racine, ou bien ça vient de... Hein? J'ai un livre à la maison, justement, sur... Toutes les plantes et les trucs médicinales, leur origine et d'où ce que ça vient. Et tu vois, par exemple, certaines plantes, certaines racines, certaines fleurs, certains légumes, beaucoup de choses que les gens utilisent aujourd'hui, à la base, comme par exemple, je voyais que, ça, je ne me rappelle plus bien, mais je sais que l'aspirine, ils disent que ça venait d'une écorce d'arbre ou quelque chose comme ça. Puis qu'aujourd'hui, on l'utilise pour traiter les maux de tête ou des choses comme ça. Alors qu'avant, les gens, quand ils avaient mal de tête, prenaient cette écorce et ils faisaient bouillir de ça, peut-être avec de l'eau. Ils buvaient ça, puis ils voyaient que ça leur faisait du bien. Quand les gens ont vu ça, ils ont dit, ah, ça, on peut utiliser ça en médecine. Ils ont fait des médicaments avec. D'accord? Donc, si c'est vrai, si c'est réellement, ça a vraiment un effet, dans ce cas-là, oui, il n'y a pas de mal. D'accord? Mais il faut connaître, bien comme il faut, les effets des plantes. Ouais, non. C'est-à-dire que la ruqya, les gens, maintenant, ils en ont fait quelque chose différent de ce que c'était à la base dans la sunna. Hein? À la base, n'importe quel musulman, il peut faire la ruqya à lui-même ou à quelqu'un de sa famille qui est malade. Walaykoum salam. Il lui fait la ruqya. Aujourd'hui, c'est différent parce que les gens, il y en a certains, ils ont pris ça comme un métier. Ils ouvrent une clinique de ruqya soi-disant et ils chargent aux gens une somme d'argent pour venir. Et il y en a, c'est des charlatans. Ils font tout, n'importe quoi. J'en ai vu un à la télé, il y avait un reportage sur ça. Il achetait une caisse de bouteilles d'eau, Et puis, il récitait le Coran sur la caisse. Et puis, il vendait chaque bouteille comme 50 euros. 50 euros, imaginez. T'achètes une bouteille de bouteille d'eau au supermarché. Tu vas payer peut-être 5 $ pour 12. Et tu récites le Coran dessus. Tu vends 12 fois 50 $. Hein? Ah ouais, non, ça c'est... Mais il y en a qui le faisaient même par téléphone. Ou par Internet. Donc ça devient, comme on dit, ça sort de la limite de qu'est-ce qui est permis, et ça devient même du charlatanisme, une façon de faire de l'argent, de voler l'argent des gens, amwal an-nas bil batil, et ça c'est sûr que c'est pas permis. Naam. Donc sallallahu alayhi wa sallam, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui inchallah. On continuera au prochain cours la suite de ces explications-là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.